sacre nos cœurs, parce que c'est vous-même, sans trahir. Dis-moi si vous mangez, vous mettez quoi ma privée. Pourtant, celle moi connaît, c'est vérité, c'est vérité, c'est vérité. Baby, baby, baby, moi t'as remé avec tout côté rouillé. T'as mis le fait côté, non bon ou mauvais temps. Sens maintenant la vie, si ou pas mon vie m'chérie, ou m'aide ma privée. Pourtant, seulement connaît, c'est vérité, c'est vérité, c'est vérité, baby. Baby, baby, baby. Débousculé, mais t'as remis avec tout côté au